Sur le palier, Swann avait été rejoint par le maître d'hôtel qui ne se trouvait pas là au moment où il était arrivé et avait été chargé par Odette de lui dire, mais il y avait bien une heure déjà, au cas où il viendrait encore, qu'elle irait probablement prendre du chocolat chez Prévost avant de rentrer. Swann partit chez Prévost, mais à chaque pas, sa voiture était arrêtée par d'autres ou par des gens qui traversaient. Odieux obstacle qu'il eût été heureux de renverser si le procès-verbal de l'agent ne lui retardait plus encore que le passage du piéton. Il comptait le temps qu'il mettait, ajoutait quelques secondes à toutes les minutes pour être sûr de ne pas les avoir faites trop courtes, ce qui lui laissait croire plus grande qu'elle n'était en réalité sa chance d'arriver assez tôt et de trouver encore Odette. Et, à un moment, comme un fiévreux qui vient de dormir et qui prend conscience de l'absurdité des rêvasseries qu'il ruminait sans se distinguer nettement d'elle, Swann tout d'un coup aperçut en lui l'étrangeté des pensées qu'il roulait depuis le moment où on lui avait dit, chez les Verdurin, qu'Odette était déjà partie. La nouveauté de la douleur au cœur dont il souffrait, mais qu'il constata seulement comme s'il venait de s'éveiller. Quoi ? Toute cette agitation ? Parce qu'il ne verrait Odette que demain ? Ce que précisément il avait souhaité, il y a une heure, en se rendant chez Madame Verdurin ? Swann fut bien obligé de constater que dans cette même voiture qui l'emmenait chez Prévost, il n'était plus le même.